salut, voilà un petit message avec un jour de retard. Donc l'émission de Sonic hier, super. Donc déjà le personnage de Sonic, hyper content d'entendre ça sur France Inter. Et puis la bim Frédéric qui annonce The Offspring, The Kids Are On The Right. Bref, bon, arrêtez d'être aussi génial, sinon je vais être obligé de demander que l'émission passe toute l'année. Donc voilà, continuez comme ça, à plus. Alors moi, ma première rencontre avec le petit hérisson bleu, c'était sur Master System 2. C'était ma sœur qui m'avait offert cette console, je devais avoir 6-7 ans. Alors je savais pas du tout ce que c'était, autant vous dire que j'ai mis les deux pieds dedans. Bien sûr, j'ai enchaîné sur Mega Drive avec tous les opus. Et seul petit bémol, je trouve ça dommage que vous ayez pas parlé dans Sonic 3 du petit clin d'œil avec Dragon Ball, où on peut voir Sonic apparaître en Super Saiyan, rien que dans l'intro, et ça, c'était un gros plus. Bon, merci à vous, bonne continuation. Salut, moi c'est Charles de La Réunion. Donc je suis un très très grand fan de Jean-Jacques Goldman, c'est un grand grand grand artiste, et ma chanson préférée reste bien évidemment Néant 17. Je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer. Et Spider-Man, on a grandi avec, on l'adore, et je pense que Goldman a une fibre de Spider-Man. Bonne soirée à tous, et je vous envoie du soleil de l'île de La Réunion. To be or not to be, not to be. Il faut savoir quand s'arrêter. Il faut savoir quand prendre congé lorsque l'on est invité à un repas chez des amis. Il faut être attentif aux signes que vos hôtes vous envoient. Si le maître ou la maîtresse de maison regarde sa montre, ou se met à bâiller ou éteint la lumière et va se coucher, c'est sûrement qu'il est temps de partir. Il faut savoir éviter le verre de trop dans une soirée. Ce verre qui peut nous faire franchir la frontière qui sépare le pays de l'agréable de celui du regrettable. Eh bien, il en va de même pour les séries. C'est tout un art de créer une série qui plaise aux gens, mais c'est encore bien plus compliqué de savoir quand y mettre fin. Dernièrement, Game of Thrones a beaucoup déçu. Des internautes ont même lancé une pétition pour que l'on retourne la fin. L'auteur du livre n'ayant toujours pas achevé sa saga, il sait déjà quelle fin il vaut mieux éviter. Le problème de finir une série, c'est qu'on développe une relation particulière avec cette dernière. On l'aime ou on la déteste en fonction de ses goûts et de son vécu. Et il y a autant de fins envisageables qu'il n'y a de spectateurs. Si l'équipe de France de football doit faire face à 60 millions de sélectionneurs, chaque série doit composer avec des millions de scénaristes bénévoles. Comment contenter tout le monde? Au fond, terminer une série, c'est accepter de décevoir, accepter de créer de la frustration là où il y avait de l'addiction. Personnellement, la fin de Game of Thrones ne m'a pas choqué autant qu'elle aurait pu. Car ce sentiment de sevrage en fin de cycle, ce sentier de l'amertume, je l'avais déjà emprunté des années plus tôt avec une autre série culte et mondialisée. Une série nommée Lost. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Votre attention, s'il vous plaît. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Nous vous demandons de regagner vos sièges et d'attacher vos ceintures. C'est normal. Ah, je sais. Seulement, j'ai jamais été rassurée en avion. Mon mari n'arrête pas de me rappeler que les avions sont faits pour voler. Ça m'a l'air d'être un homme plein de bon sens. N'oubliez surtout pas de le lui dire quand il reviendra des toilettes. Je vais vous tenir compagnie jusqu'à son retour. Vous en faites pas. Ce sera bientôt fini. En 2004, apparaît une série qui va faire le tour du monde et fasciner pendant plusieurs années des millions de spectateurs. Lost, que l'on pourrait traduire par les égarés. Et égarés, les passagers du vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines le sont, suite au crash de leur avion sur une île inconnue, île sur laquelle survient des phénomènes inexpliqués. Alternant drame et séries fantastiques, Lost tissera durant 6 saisons une intrigue complexe, mêlant métaphysique, flashback, questionnement existentiel. Alors pour parler de cette série culte, j'ai avec moi Nora Boisoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sur les séries et le cinéma et membre de la chaîne YouTube Les Fanatiques dédiée à la pop culture. C'est ça. Nous avons également avec nous Cyrus North. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste, vulgarisateur philosophique et on peut vous retrouver vous aussi sur YouTube sur une chaîne qui porte votre nom. Exactement. Ouais. Et enfin, Thomas Vachnicki. Bonjour. Bonjour. Quant à vous, vous animez un podcast sur les séries, Serial Causeur. Vous êtes spécialiste en fan studies et vous réalisez un documentaire sur cette série. Tout est vrai, bravo. Alors ensemble, on tentera d'expliquer en quoi Lost a été une des séries les plus novatrices et innovantes de ces dernières décennies. On reviendra sur la carrière de ses créateurs, J.J. Abrams et Damon Lindelof. En quoi Lost est peut-être la dernière très grande série que le monde a pu partager avant l'avènement des chaînes payantes type Netflix et des plateformes de diffusion. Et enfin, on parlera de la polémique que suscite encore aujourd'hui la fin de ce monument de la série télé. Il est temps de se perdre, c'est Lost dans Blockbuster sur France Inter. J'ai des contractions. Vous en êtes à combien de mois? Seulement 8 mois. Elles sont espacées de combien de minutes? J'en sais rien, elles viennent de commencer. Hé hey, non, non, non, restez là. Écoutez-moi, regardez-moi, tout ira bien, vous m'avez compris. Mais il va falloir rester tranquillement assise. Hé, hey, vous! Venez ici! Je veux que vous éloigniez cette femme des fumées de kérosène. Emmenez-la là-bas et restez avec elle. Si jamais il s'écoule moins de 3 minutes entre les contractions, vous m'appelez. Oh non, fallait que ça tombe sur moi. Je reviens vous voir. Merci! Hé! Hey, comment vous vous appelez? Jack! Nora Boisoni, Lost, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça n'est pas? Qu'est-ce que c'est? C'est la première série sociale pour moi. C'est une série qui a été créée, qui est sortie en même temps que Twitter, Reddit, Facebook, YouTube. Et donc c'est une série, c'est la première série où je me suis écharpée, où j'ai échangé des théories farfelues, que j'ai décortiqué jusqu'à l'os. Pas Lost, vous l'avez. Ça non, pour bien. Moi, c'est vraiment. Qu'on fasse, voilà, presque une minute de silence pour. pour l'humour. Non, non, pour moi, c'est vraiment une série importante. C'est une des premières séries et une des seules avec Game of Thrones où on savait où aller pour se retrouver et en parler. Bah, c'était sur Internet et qui était vraiment prise très, très, très à cœur par les fans et qui a beaucoup divisé. Et mon petit fait d'arme de fan de Lost, j'en suis pas peu fière. J'ai vu le dernier épisode en direct car j'habitais à Montréal à cette époque, donc j'aurais pu spoiler tous mes amis en France, mais je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est noble. D'ailleurs, je crois que Dorothée Barba, dans l'émission qui suit, va effectivement parler du spoil, donc c'est d'actualité. Et qu'est-ce que ça raconte exactement, Lost? Ça raconte les péripéties d'une vingtaine de personnages, parce qu'il y avait quand même une vingtaine de personnages principaux, enfin en tout cas une quinzaine et puis des personnages secondaires, qui s'écrasent sur une île mystérieuse qui n'est pas qu'une île, qui est aussi actrice de cette série puisqu'elle fait des choses, elle est agissante. Et donc ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui vont se découvrir, qui vont se mentir, s'aimer, se tuer, se suicider, se que sais-je. Et ça pose des questions, on en parlera plus tard, sur le libre arbitre, le destin, le passé, le futur, le présent, plein de choses. C'est une espèce de gloubi-boulga, un peu surnaturel, mélodramatico, dramatico-passionnel. Très pièce de théâtre aussi. Cyrus Snow, vous avez découvert Lost à quelle occasion? Moi, je l'ai découvert sur TF1. Je l'ai découvert sur TF1 en famille. Seconde partie de soirée, on était là et j'ai regardé. Je suis tombé en premier sur le 3e et 4e épisode de la saison 1, je crois. Et je suis tombé amoureux direct. J'ai fait OK, cette série elle démonte. Et donc là, j'ai commencé à aller regarder de mon côté et à rattraper le rythme américain. Et ça m'a, ouais, c'est, je pense, que c'est la série qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est une série qui commence sur un canevas assez classique, finalement, un crash d'avion, des survivants sur une île, ça avait déjà été traité au cinéma, en littérature, mais on se demande comment la sauce a pris aussi rapidement, et je pense que c'est un petit peu lié au créateur de cette série, J.J. Abrams, qu'on avait connu auparavant pour la série Alias, et qui aujourd'hui réalise des Star Wars, a relancé la franchise Star Trek au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de J.J. Abrams? Qui est J.J. Abrams? Thomas Vachinski. J.J. Abrams, en fait, c'est quelqu'un qui est comme nous, enfin, c'est un fan, donc il a grandi avec, avec les mêmes références que nous. Et donc, quand on lui a donné le script de Lost, il s'est dit, bon, ben, c'est un mélange de Survivor, donc le Koh-Lanta américain, c'est un mélange de Sa Majesté les Moules, c'est un mélange de Seul au Monde, le film avec Tom Hanks. Donc, il s'est dit, bon, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ABC n'était pas très, très pour ce genre d'histoire. Et donc, il s'est adjoint aussi les services de Damon Lindelof. Et J.J. Abrams, c'était déjà quand même assez friand de mystère, parce que quand même Alias, c'est quand même pas non plus une série... Oui, avec le mystère Rambaldi dans Alias. Voilà, c'est quand même déjà assez énorme comme mythologie au niveau des séries. Et en fait, J.J. Abrams, on l'associe souvent à Lost, mais il était là au début, mais après... Tout le reste, c'est vraiment Damon Lindelof et ensuite Carlton Cuse et ensuite à deux, évidemment. Et Brian Vaughan aussi, qui est intervenu, qui est rarement cité, mais qui est un grand auteur de comics et qui d'ailleurs a créé presque l'ossature de Lost au moment où ils en avaient vraiment besoin. Bah, c'est vrai qu'au début, ils ne savaient pas trop où ils allaient, ça, ils l'ont avoué. C'est, en fait, le pilote a été écrit et produit et filmé en même temps qu'ils préparaient la saison 1, donc ils ne savaient pas trop ce que le pilote allait proposer. Et ils étaient 5-6 scénaristes à se dire, bon, qu'est-ce que l'île, qui sont ces personnages, où est-ce qu'on va aller. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin de la saison 1, où ils ont un peu, voilà, quand ils ont su que ça allait cartonner, que le pilote avait été très très bien accueilli, ils se sont dit, bon, on va commencer à poser nos idées. Mais ils se sont surtout dit que on ne va donner aucune explication sur une idée tant qu'on n'est pas OK avec cette explication. Et d'ailleurs, chose assez rare, ils ont vendu la série sur le pilote sans jamais révéler aux acheteurs ce qui allait se passer. Or, d'habitude, dans une série, on est obligé de le faire. Et eux, ils sont restés dans cette culture un petit peu du secret. Bon, alors, vous venez de l'expliquer parce qu'ils savaient pas forcément ce qu'il y avait au bout. Et ça s'est senti. Mais c'est quelque chose d'assez rare. D'autant que le pilote a coûté extrêmement cher. C'est je crois que c'est un des pilotes de série télévisée qui a coûté le plus cher. Oui, mais en fait, J.J. Abrams, il a un TED Talk qui est très célèbre où il parle d'une boîte mystérieuse qui a été offerte par son père et qu'il a jamais ouverte. Et en fait, ça explique toute la mythologie, comme on en parlait tout à l'heure, de J.J. Abrams. C'est surtout sa façon de voir les choses. Et effectivement, il aime pas trop qu'on ouvre la boîte à mystère. Il préfère qu'on se pose des questions dessus. Donc on peut reprocher à Lost de pas tout expliquer, encore que au final on a quand même pas mal d'explications. L'ours blanc, on sait pourquoi il est là au final. Moi j'avais oublié. Mais c'est ça qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on avait vraiment une série qui effectivement ouvrait plein de, enfin montrait plein de portes et en ouvrait pas beaucoup jusqu'à la fin, ce qui a peut-être été un petit peu pénible parce qu'on voulait un peu plus d'explications plus rapidement. Mais c'est vraiment la philosophie d'Abrams que d'avoir cette boîte noire et de pas nous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on va continuer à explorer cette boîte noire de J.J. Abrams et on va continuer de parler de Lost. Mais voici venu le temps de se perdre musicalement avec David Bowie, avec The Man Who Sold the World. We passed up on the stairs. Spoke up was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions. champions here, and we must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your place to place with the man who solved the world. C'était le grand David Bowie avec The Man Who Sold the World dans Blockbuster sur France Inter. Saïd, écoutez-moi. Je l'ai trouvé, la femme de la radio. Apporte-moi de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle est sur l'île. C'est pour ça que je suis revenu. On n'est pas les seuls. Je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète le 01 56 40 30 20, parce que c'est aussi votre émission. Si vous êtes des fans ou pas, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le sujet du jour, c'est-à-dire Lost. Alors là, on entend évidemment un extrait de cette série, et c'est vrai que Lost, c'est avant tout une galerie de personnages. J'aimerais qu'on en parle ensemble, parce qu'il y a tout d'abord Jack. Jack, le médecin qui se crache, mais en moins de 5 minutes, il est capable de guérir tout le monde, une femme qui accouche, faire un garrot. Enfin, le type, moi personnellement, m'a presque donné envie de faire médecine. Cyrus North ? Ouais, moi aussi. C'était un gros truc, un gros débat à la maison. Pourquoi tu veux faire médecine ? C'est à cause de Jack. Heureusement, on s'en est rendu compte. Du coup, j'ai fait une autre carrière. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnages qui sont extrêmement bien construits puisqu'ils se répondent entre eux. Par exemple, il y a des oppositions flagrantes entre Jack et John Locke. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est rien que dans leur nom, en fait, c'est des noms de philosophes. Et moi, je me souviens que donc en terminale, j'ai présenté Lost à ma prof de philo. Du coup, on a beaucoup parlé de Lost en cours, etc. Et en fait, il y a énormément de philosophes qui sont présents dans Lost, que ce soit par exemple John Locke, que ce soit Hume, que ce soit Rousseau. Et même quand ils n'ont pas un nom de philosophe, je pense à Jack, par exemple, c'est Jack Shepard. Shepard, c'est le berger. Et donc, c'est celui qui accompagne et qui gère le troupeau, etc. Donc, c'est une série qui est extrêmement intéressante là-dessus et qui a vraiment infusé de la philosophie. Mais d'ailleurs, votre passion aujourd'hui, c'est de vulgariser des grands concepts philosophiques, et Lost s'inscrit totalement là-dedans. C'est-à-dire que les grandes théories philosophiques du siècle sont incarnées par certains personnages. Et je pense qu'on retrouve peut-être quelque chose de similaire dans l'univers des films Matrix aussi, c'est-à-dire où on prend comme ça, dans une sorte de gloubi-boulga un peu geek de SF, des grandes thèses philosophiques pour faire avancer un certain propos. Vous en pensez quoi, Nora Boisoni ? Mais complètement, Matrix, je suis une énorme fan, j'ai vu le film je l'ai vu 17 fois, je crois, j'avais compté la dernière fois. Oui, alors c'est un peu mythologique, philosophico-geek, oui. C'est ça qui est intéressant, mais alors on mélange aussi des religions dans... dans Matrix des philosophies orientales, de la philosophie occidentale. On mélange des mythes, on mélange vraiment énormément de choses. Pareil, dans Matrix, il y a des noms de la Bible, Nabucodonosor. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de références, alors peut-être un petit peu trop. On a l'impression qu'on met tout dans un panier, qu'on mélange et que ça doit être intelligent forcément. Mais Lost donne ce sentiment-là aussi. Mais Lost est vraiment intéressant. Alors, on n'a pas parlé de la narration encore, mais là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin de la saison 3, on arrive sur un truc qui était inédit, qui s'appelle des flash-forward. Donc on arrive, c'est spoiler, pardon, mais on voit le futur de Jack notamment. On voit le futur de Jack et en fait, à partir de ce moment-là, là se posent les vraies questions sur le libre-arbitre, le destin. Et il y a cette phrase de Lost qui est « What happened, happened ». Qui est ce qui s'est passé, c'est passé, qui a un double sens, qui est on peut pas changer le passé, ça s'est passé, il faut faire avec, puisque l'enjeu de Lost, à un moment, c'est est-ce qu'il faut retourner sur l'île. Et puis il y a les flash sideways, qui sont une narration, une temporalité différente. Dans une réalité alternative. Voilà, et donc ce qui s'est passé, c'est passé. Donc c'est pour nous dire que tout ce qui se passe dans cette réalité ou une autre, c'est passé. Donc il y a vraiment, et comme dans Matrix aussi, des questionnements très intéressants sur... Et faire le bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a du bien et du mal? Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai qu'en cours de philo, c'est des trucs qui... Moi, j'ai 33 ans et en cours de philo, j'avais une prof qui adorait la pop culture. Donc, on parlait de Conan le Barbare en parlant de la vengeance et la loi du talion. Et on parlait aussi de Lost à l'époque. Et les pop culture studies... En France, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais à l'époque, c'est vrai que c'était quand même très inédit. On croit que c'est manichéen, Lost, parce qu'il y a beaucoup de choses blanc et noir dans Lost. On voit même avec, par exemple, des cailloux blancs et noirs. Il y a l'homme en noir, il y a Jacob qui est l'opposé. Mais en fait. L'homme en noir et Jacob étant des entités gardiennes de l'île. Ouais. Sans spoiler, vous verrez de toute façon. Il y a tellement de choses dans Lost que vous êtes déjà perdu en disant ça. Mais en fait, on croit que c'est manichéen, mais il y a tellement de nuances dans Lost. On croit que c'est le combat du bien et du mal, mais il y a des méchants qui font le bien, il y a des bonnes personnes qui font le mal. Locke et Ben sont deux personnages, mais avec tellement de nuances, on peut les détester un épisode, on peut les adorer l'épisode d'après. C'est tellement de... Une galerie de personnages assez immense. Lost. Michael Emerson et Terry O'Quinn, qui d'ailleurs ont été récompensés pour leur jeu, qui est incroyable. Et c'est vrai que Locke, peut-être plus encore que Jack Sawyer ou les autres personnages qui peuplent Lost, est vraiment la colonne vertébrale. C'est d'autant plus cocasse de dire ça, c'est qu'il est logiquement handicapé et qu'il recouvre l'usage de ses jambes sur cette île. C'est vraiment lui qui incarne la dimension métaphysique, philosophique, à la fois, et le propos de Lost. Il a la foi, en fait. Ouais. C'est le seul personnage qui, dès le début, a une foi inébranlable en l'île et qui dit « on n'est pas là par hasard, en fait ». Et Jack, au début, n'y croit pas. Jack finit par s'en persuader. C'est pour ça qu'il dit à tout le monde « il faut qu'on retourne sur l'île », parce que, encore un spoiler, mais à un moment, ils partent de l'île par un moyen dont on ne vous racontera pas en détail. Mais c'est le seul, du début à la fin, qui se dit « mais on n'est pas là, il n'y a pas de hasard ». Il croit au destin, en fait. Il y a vraiment des antagonismes sur ceux qui croient au destin et ceux qui veulent croire qu'en fait, on n'est pas là, on n'est pas des marionnettes tirées par un truc plus grand que nous. Il y a même un épisode, d'ailleurs, qui s'appelle « Man of Faith » « Man of Science ». Et « Man of Science », c'est Jack qui s'oppose donc à Locke. Alors, nous sommes toujours avec Nora Boisoni, Cyrus North et Thomas Vachnicki pour parler de Lost. Ce sont des experts, mais la question qui se pose toujours avec les experts, c'est « Le sont-ils vraiment ?» Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues sur Lost. Saurez-vous y répondre ? Dans Lost, des tas de phénomènes surnaturels sont survenus. Des monstres de fumée, des statues avec des orteils en trop ou en moins, des ours polaires. Mais est-ce que le truc le plus surnaturel de l'île, c'est pas qu'en 6 mois passés là-bas, Kate n'a jamais eu de poils sous les bras ? Kate devait être le personnage principal. J'en prie pour faire un petit fun fact. Le personnage principal, Jack devait mourir en fait. Oui, il devait être interprété par Michael Keaton. Voilà, et il devait mourir et Kate devait reprendre le flambeau. Voilà. Et donc, non, une femme avec des poils, c'est toujours pas accepté. Donc, non, mais oui, c'est fou parce une que. Une femme avec des poils, c'est surnaturel. C'est déjà, surnaturel, donc, c'est un truc on de est dingue. Censé être un parce que les autres ont de la barbe qui pousse. Hein. Ouais. Et oui. Non, et au niveau anecdote, il y avait même des responsables cicatrices qui vérifiaient les cicatrices de tout le monde pour qu'elles évoluent naturellement. Et que ça se guérisse naturellement, quoi. Enfin, les cicatrices, les fausses, évidemment. Mais pas les poils. Mais pas les poils. Ouais. Et non, pas les poils. Cette haine du poil, c'est terrible. Lost raconte la vie d'individus qui essaient de survivre sur une île tout en tentant de s'éliminer les uns les autres. Bon, quand il n'y a pas Denis Brognard, c'est quand même vachement moins bien que Koh-Lanta. Moi, j'aurais bien voulu les poteaux. Les poteaux, ouais, entre, je sais pas, Hurley. Entre Sawyer, Jack et Kate. Et Kate. Le triangle amoureux sur les poteaux. Non, mais en fait, c'est complètement injuste. Kate aurait gagné. Mais bien sûr, elle sans poils. Bah oui, elle est hyper agile, elle est badass. C'est sûr, c'est elle. Dernière question. Alors, j'ai une question sur la fin de Lost. Parce que j'ai un grand débat à la maison. Pour ma femme, ils sont morts dans l'avion. Pour moi, ils sont morts après leur passage sur l'île. Et pour ma mère, c'était Pamela qui a rêvé tout ça. Non seulement ils sont toujours en vie, mais Bobby Ewing aussi. Vous en pensez quoi? Alors, moi, je mettrais Georges Belair en case mystère en tongue. Et je dirais Camoulox. Eh ben voilà, on voit que Nora Guazzini, elle a tué le game, quoi. Ok, eh ben écoutez, pour se remettre de ses émotions et pour profiter de déguster ces formidables réponses, on va tout de suite écouter Julien Granel avec Des faits. Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour descendre? Ça fait des mois que ça brûle, bientôt il y aura que des cendres. Si c'est ça la finalité, la fin du parcours, quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre? C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre. Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre, quelque chose doit glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Les années nous semblent vides, au fond tous on se ressemble. Si on sait s'écouter, c'est qu'on n'a pas su s'entendre. Quand on a dû glisser, pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre? Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre. Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende, quelque chose va glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On ira bien quelque part. Se retrouver par hasard. Défait, défait. On ira bien quelque part. Se retrouver par hasard. Défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville. C'était Défait de Julien Granel. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. Avec votre coéquipier, vous vous trouvez actuellement dans la station numéro 3 ou station C. Et ce, pour les 540 jours à venir. La station a été initialement conçue pour servir de laboratoire. Des scientifiques devait y étudier un phénomène unique de variation électromagnétique provenant de ce secteur de l'île. Mais peu de temps après que l'expérience ait commencé, il s'est produit un incident. Et c'est depuis ce jour que nous observons la procédure suivante. Toutes les 108 minutes, vous devrez lancer le programme. À partir du moment où l'alarme retentit, vous avez 4 minutes pour entrer le code dans le processeur du micro-ordinateur afin de déclencher le programme. Dès que l'alarme retentit, vous ou votre coéquipier devez impérativement saisir le code. Il est très important, dès que l'alarme retentit, que le code soit correctement saisi dans le temps qui vous est imparti. Et n'essayez sous aucun prétexte d'utiliser l'ordinateur, que ce soit d'autre. Toutes nos félicitations. Jusqu'à l'arrivée de votre remplaçant, l'avenir de notre projet est entre vos mains. De la part de Gérald et Karen de Groot, d'Alva Aranso et de l'ensemble des collaborateurs du projet Dharma, merci. Namasté. Aujourd'hui, on parle de Lost. Nous sommes toujours avec Nora Boisoni, Cyrus North et Thomas Vachnicki. Et on vient d'entendre parler le jingle, la vidéo promo de la Dharma Initiative. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas ce qu'est la Dharma Initiative, Thomas Vachnicki? C'est assez énorme, la Dharma Initiative. C'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça dans Lost. On croyait que c'était le gros truc de la série. En fait, c'est juste un à côté. C'est un groupe de personnes un peu obscures qui font des expériences sur l'île, qui ont utilisé l'île pour faire des expériences. Donc ils sont un peu à l'origine de plein de choses qu'on trouve sur l'île, comme la bouffe, les ours polaires et j'en passe. Et en fait, ils ont installé des stations dans l'île, dont la station du Cygne, il y en a d'autres aussi, il y a Perle, etc. L'hydre aussi. Ouais. Et en fait, chaque station a une utilité, parce qu'en fait, ils étudient tout l'électromagnétisme de l'île, les animaux. Mais parce qu'en fait, il faut préciser ça pour les auditeurs, c'est que cette île a des propriétés scientifiques incroyables. C'est un peu l'équivalent du triangle des Bermudes, tel qu'il a été fantasmé. Et donc, elle est étudiée depuis les années 70. Et il y a une forme d'énergie qui, si elle n'est pas contenue, a tendance justement à provoquer accident, et ce qui explique le crash c'est du vol. Parce que Desmond n'a pas rentré le code 4815-16-23-42. Ces fameux chiffres que l'on retrouve. Ça, c'est fou. Ouais. Un peu partout. Est-ce que vous pouvez parler de ces chiffres, justement, Cyrus North? Non, en fait, ces chiffres, moi, ce que je trouvais dingue, c'est que après chaque épisode, j'allais sur des forums, etc., machin, et en fait, on s'amusait à retrouver les chiffres dans l'épisode. Donc, ça peut être des fois assez flagrant, par exemple, une horloge qui indique qu'il y a au moins un des chiffres dedans, ou alors le dessus d'une voiture de police, par exemple. Mais des fois, c'est beaucoup moins flagrant. C'est par exemple quand Jack va essayer de réanimer Charlie, il va donner, je sais pas, 8 ou 16, 16 pulsations, enfin réanimation, et ou la 16e, ça a marché quoi. Vous les avez comptés? Ouais. Oui, d'accord, ok. Non mais c'est bien parce que ça montre à quel point vous aimiez cette série. Non mais c'est pour ça que je sais plus si c'est 16, mais en tout cas ça fait partie des chiffres quoi. Les chiffres que Hurley a joué au loto, et ce qui fait qu'il a gagné et qu'il est parti sur cette île, enfin qu'il a pris l'avion, enfin effectivement ces chiffres sont partout. Et le chiffre 42 est pas n'importe quel chiffre, c'est le chiffre, la solution de la réponse à tout. La réponse dans à tout. Le guide du voyageur intergalactique. Oui, 42. Ouais. Alors, Lost est une série magistrale, mais même si elle a fait se poser beaucoup de questions, les réponses n'ont pas toujours été à la hauteur. Et ben, on arrive tranquillement mais sûrement à la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. L'une des grosses déceptions séries de tous les temps, c'est une évidence, c'est Lost. Moi, le seul souci que j'avais par rapport à Lost, c'est de me dire au bout de la quatrième saison ou de la troisième saison, bon, ok, mais on fait des saisons, mais finalement, pour raconter quoi? La saison qui a déçu, ça suivait l'un des cliffhangers les plus forts de l'histoire de la série télé, le fameux We Have To Go Back, qui est méga culte. Après, ça a pas assumé le délire, ça allait trop dans le côté fantastique. Le truc qui, moi, me dérange le plus, c'est les figurants. Il y a plus de 40 survivants au début, mais on ne suit que 15 d'entre eux. Les autres ne servent à rien. Ils ne participent à rien, ils ne sont jamais cités, on ne les voit presque jamais. Par contre, dès qu'on a besoin de tuer quelqu'un, hop, on pioche dans les figurants. Et pour moi, c'est la chose la moins crédible et la plus artificielle de toute la série. Tu vois que le truc a été fait de fil en aiguille et qu'ils sont arrivés à un moment, à une fin qui est censée être satisfaisante, qui est très émouvante, mais qui scénaristiquement se tenait pas vraiment et qui, à mes yeux, était décevante. Je pense que c'est vrai que c'est une série inégale, donc difficile à suivre, parce qu'il y a des moments faibles, il y a des moments où ils sont perdus eux-mêmes dans leur métaphysique. Lost, pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions de série, à mes yeux, de tous les temps. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors aujourd'hui, la radio est filmée et ça aurait été intéressant de voir pendant cette séquence et avec ce discours qui contestait la qualité de certains épisodes de Lost, la réaction de Thomas Vachnicki. Voilà, qui sont ces gens, c'est un scandale. Donc vous n'êtes pas d'accord vraisemblablement. Non, mais en fait, moi j'aime bien les séries qui sont pas parfaites. C'est ça qui est bien, une série, faut être surpris à chaque épisode. Lost, c'est l'une des dernières séries qui m'a surprise à chaque épisode. Et faut se dire que c'est aussi l'une des dernières séries qui a fédéré beaucoup. Bon, il y a eu Game of Thrones évidemment, aussi une série du câble. Et oui, c'était sur une chaîne payante alors que Lost était accessible. Et Lost, c'est une série, On est au début des années 2000, on sort d'X-Files avec 9 ans de questions de réponses, on sort de Buffy, 24 cartonnes, les experts cartonnent, il manquait une série qui fédérait, et on a Lost. Après, oui, il faut s'accrocher à Lost, évidemment, comme toutes les séries. Si on veut que tout soit mâché, on regarde pas Lost. Mais que la fin soit décevante, certes, mais est-ce que ça occulte les 6 saisons ? Non. Franchement, chaque épisode, évidemment, n'est pas... un grand épisode, mais la somme des épisodes, il y a une phrase comme ça, la somme de l'ensemble est supérieure au tout. Oui, mais les gens feront la rectification chez oui, eux. Et non, Lost, la fin est décevante, non. Enfin, on n'a pas raison, le fan n'a pas raison, c'est tout. Mais d'ailleurs, ce débat encore aujourd'hui, en annonçant l'émission sur les réseaux sociaux, j'ai pu constater que les gens vraiment étaient mais complètement arbitraires sur la série en disant « Oh, Lost !» Ils ont même utilisé un langage fleuré pour dire « Oui, c'est de là hein, !» parce que la fin leur a déplu. Et c'est vrai que c'est un sentiment qu'on retrouve encore plus exacerbé aujourd'hui avec Game of Thrones et tout ça. Cette idée que si une série ne se termine pas exactement comme on l'a imaginé. Or, comme je le disais en préambule, il y a autant de fins possibles qu'il n'y a de spectateurs. Eh ben, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, justement, à l'ère des réseaux sociaux, cette dictature du fan envers et contre tout? Je trouve que les gens étaient hyper sévères dans ce qu'on a entendu. Enfin, c'est affreux. On en parlait avant l'émission en loge avec nous trois, et on disait que c'est quand même incroyable de se dire des gens qui peuvent dire j'ai perdu 8 ans de ma vie, j'ai perdu 6 ans de ma vie. C'est pas vrai. Enfin, comme on disait tout à l'heure, on peut pas oublier tout ce qu'on a vécu pendant 6 ans. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est une série, avec vous deux, c'est une série qui m'a retourné le cerveau. Chaque semaine, je me disais, mais comment je vais attendre 6 jours avant le suivant? D'ailleurs, est-ce que ça faisait pas justement partie du plaisir des séries de l'époque, c'est-à-dire avoir un épisode par semaine? Mais moi, je pense que Netflix a tué ce truc-là, et qu'il y a des séries qui sont pas faites pour être bingées, et que quand sur Netflix, on balance 8 épisodes d'un coup. Alors, rappelons ce qu'est bingé. Bingé, c'est consommer une série, regarder une saison en une journée, en deux jours, en trois jours. Et il y a des séries qui sont pas faites pour ça. Lost est pas faite pour ça du tout. Donc moi, je conseille pas du tout aux gens de se faire un week-end pour regarder les deux premières saisons. C'est une série qui a été écrite comme ça. Il faut respecter la façon dont les séries sont écrites. Je suis un peu énervée parce que c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'on peut pas tout binger. Et Lost, moi, j'étais déçue de la fin, oui, mais parce que évidemment une série s'arrête, on est triste et la tristesse ça nous met en colère, on est furieux, on n'est pas content parce que ça s'arrête déjà et que moi j'ai jamais imaginé de fin à Lost, c'est inimaginable. Lost, enfin pour les gens qui nous écoutent et qui l'ont pas vu, vraiment c'est compliqué de pitcher Lost parce qu'on a l'impression d'être fou quand on pitch Lost à quelqu'un. Depuis tout à l'heure, je pense que les gens se disent mais de quoi ils nous parlent, des flash forward, des ours blancs, mais... des statues égyptiennes, enfin c'est délirant. Donc je pense qu'il y a aucune fin qui satisfait personne. Peut-être que si, il y a les plus belles fins, Six Feet Under. Je vois pas comment quelqu'un peut trouver que cette fin est ratée, c'est magnifique. Après, le problème c'est que les gens étaient tellement hargneux et insultants sur Twitter que Lindelof a carrément fermé son compte Twitter parce qu'il se faisait insulter, et c'était encore le cas pour The Leftovers, puisque la fin de Leftovers, bon, moi m'a pas beaucoup satisfaite, mais je me suis pas dit que j'avais perdu mon temps en fait. Oui. Cyrus North ? Non, mais en fait, quand on regarde Lost, on se dit, en tout cas moi je me suis dit que forcément la fin allait être moins bien que tout ce que je suis en train de regarder. Enfin, c'est sûr, c'est-à-dire qu'ils ouvrent tellement de portes et tout. Il y a un moment, je me souviens, c'était à peu près. On avait déjà le nombre de saisons, donc je savais qu'on était à plus de la moitié. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a trop de mystères pour qu'ils résolvent tout. Donc fais ton deuil là-dessus et continue de regarder. Et franchement, moi, à la fin, je me souviens, j'ai pleuré. Enfin, je me suis enfermé tout seul, j'ai fermé les rideaux, j'étais dans le noir, j'ai regardé, j'ai pleuré et tout. Et c'était... je comprends qu'il y ait des gens qui soient déçus, mais ce qui compte, c'est pas forcément ce que je dis dans Lost, c'est pas forcément la destination qui compte, c'est aussi le voyage. C'est le voyage. Et le voyage dans Lost, il est magnifique, il est incroyable et il vaut largement la peine d'être vécu. Il faut l'avouer, la dernière saison est moins bonne, c'est sûr. Mais la fin de Lost, c'est pas juste le dernier épisode, c'est toute la saison 6. La saison 6, du début à la fin, il y a quelque chose. Les flash sideways ont une importance sur la fin. Ok, ça arrive dès le début, on comprend pas pourquoi, et finalement on se dit, mais pourquoi ils les ont mis dès le début? Parce que finalement c'est en parallèle. Alors je précise, même si on est déjà bien avancé dans l'émission, ce que sont les Flash Highways, c'est-à-dire c'est des retours des personnages qui ne sont plus sur l'île, on les voit dans un autre contexte, en train de vivre une vie, mais vraisemblablement ça ne se passe plus dans le passé, c'est donc plus un flashback, mais c'est quelque chose d'alternatif, voilà. Qu'on comprendra qu'à la fin entre guillemets, alternatif. alternative. Oui, ouais. Oui, entre guillemets. Ouais. Mais qu'on comprend à la fin de la saison 6. Ouais. Donc voilà. C'est d'ailleurs la grande nouveauté narrative de cette série, c'est que dès le début, on repartait dans le passé des personnages pour mieux comprendre leur motivation sur l'île, Cyrus North. Non, pour vous dire à quel point la fin, moi, c'est pas grave, la déception m'a pas touché. En vrai, je m'en souviens pas très bien. C'est-à-dire que là, quand je vous entends parler tous les trois, il y a des choses qui me reviennent, mais je me souviens vraiment très peu de la fin, et c'est pas ça qui compte, quoi. Ça reste ma série favorite, mais sans c'est, me de la c'est fin. Une série de personnages, ça faut le dire. Les personnages, c'est vraiment le cœur de la série, c'est pas l'île. L'île est magique, voilà. On le dit, l'île est magique, c'est tout. Mais les personnages, c'est vrai que, avec les flashbacks, on s'est dit, apprendre le passé des personnages, on s'en fiche un peu. Finalement, tous s'orientent. Ils se sont croisés dans le passé. Finalement, on enrichit vachement les personnages. Après, on apprend que c'est des flash forward. La narration se déconstruit. Ensuite, la narration de la fiction rattrape la narration du temps réel, puisque ensuite, il se passe 5 ans et on rattrape donc le temps vrai du public. On est baladé de droite à gauche comme les personnages. Et c'est ça qui est bien, c'est que même si on a des fois une longueur d'avance sur le personnage, on sait qu'il s'est passé quelque chose. On vit avec eux du début à la fin. Il va falloir que vous m'expliquiez ce qui tombe pas rond dans votre tête. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes persuadé que cette chose ne vous aurait rien fait. Je crois qu'on me mettait à l'épreuve. À l'épreuve? Oui, exactement. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons certaines fois du mal à nous comprendre. Parce que vous êtes un homme de science. Oui. Ça veut dire que vous êtes quoi, vous? Moi? Je suis un homme de foi. Alors, on parlait de personnages, d'affrontements idéologiques entre personnages. On vient de l'entendre dans cet extrait d'une conversation entre Jack, le médecin cartésien, et Locke, l'homme de foi. Et est-ce que finalement, ce qui a soulevé un petit peu l'ire des spectateurs dans la fin de Lost, c'est pas cette idée qu'on parte vers quelque chose d'assez religieux et d'assez spirituel dans un monde qui a du mal à peut-être à concevoir la foi autrement que par des faits divers ou par des mouvements obscurantistes, etc. Est-ce que quelque part la religion n'a pas été un petit peu réhabilitée dans Lost et que ça n'a pas plu aux gens qui sont habitués à regarder et à consommer, voilà. Je suis pas sûre parce que dès le début, la religion infuse Lost, et dès le début, moi je me rappelle que les premières théories sur « mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette série ? Ils sont où ? Est-ce qu'ils sont vraiment sur une île ?» Beaucoup de gens disaient « ils sont au purgatoire ». Des gens qui avaient eu un peu le nez creux, parce que dans la dernière scène, on parle de purgatoire, il y a un côté purgatoire, paradis, etc. Donc dès le début, la religion infuse ça. Et dès le début, des personnages se disent « on est en enfer, on est au paradis ». Donc moi je comprends pas comment on peut être surpris quand on est fan de Lost, que la religion prenne une telle importance, surtout qu'on est quand même aux États-Unis. On a une quinzaine de personnages principaux, donc ce serait étonnant que les trois quarts soient athées ou agnostiques. On est sur ABC, qui n'est pas du HBO, qui n'est pas du Showtime, qui est une chaîne gratuite, en tout cas un network qui est très familial à la base. Donc ça m'étonne que des gens s'étonnent que la religion prenne et un poids aussi énorme dans ça, surtout dans une question philosophique. On peut pas parler de philosophie sans parler de croyance et donc de religion. En fait, je pense que ce qui a gêné, peut-être, c'est donc peut-être pas le côté religion, mais le mélange entre la religion et la science. C'est-à-dire que généralement, quand on a quelque chose qui traite de religion, c'est très spirituel, etc., machin, mais on fout pas des expériences scientifiques dedans, on parle pas de science sans arrêt, etc. Et là, je pense que ce qui était gênant, c'est que du coup, il y a un peu les deux parties du cerveau qui s'activent. C'est ok, en même temps j'ai envie d'y croire, c'est un rêve éveillé, c'est fou, etc. Et en même temps, non, c'est très concret, c'est la Dharma, elle a pris une île, elle a fait des expériences. Donc on ne sait plus trop où se positionner, et donc c'est ça qui est aussi frustrant et gênant, je pense. Et alors, on a parlé de Kate tout à l'heure, et j'aimerais revenir sur ce personnage, parce que derrière elle, en filigrane, il y a aussi la manière dont on traite les personnages féminins dans cette série. Et vous, Nora Boisani, comment vous avez vécu, quelle image avait Kate pour vous ? C'est compliqué, parce que... C'était à 15 ans, moi je suis fan absolu de Buffy, donc les personnages badass, j'aime ça, féminin. Kate, ce qui m'embêtait, c'est qu'elle avait un côté manipulatrice, et donc il y avait toujours ce truc de les femmes, au fond, elles ont un agenda secret, caché, Et elle fait du mal à Jack, et elle fait du mal à Sawyer, elle sait pas choisir. Donc on avait d'un côté une femme... Et même femme... Juliette ensuite qui est apparue, un autre personnage, était elle aussi manipulatrice. Exactement. Et en fait les personnages qui n'étaient pas des femmes manipulatrices, c'était la femme enceinte. Voilà. Ah bah elle est enceinte, c'est une maman, donc forcément. Le côté maman, et plus tard on y revient, c'est quand même assez binaire, mais bon, malheureusement, et les scénaristes qui ont pas assez d'intelligence pour des personnages plus complexes que ça. Et puis d'autres personnages aussi qui étaient Rousseau, qui était complètement taré, hein, on peut le dire, t'es complètement folle, était montré comme ça. Y a des personnages hystériques, et Kate était montrée souvent comme personnage hystérique, et qui était l'instigatrice de ce triangle amoureux qui a quand même perturbé beaucoup Jack, et des gens ont beaucoup voulu à Kate. Et en fait, moi, je trouve ça dommage d'avoir un personnage qui était encore une fois montré une espèce de méduse manipulatrice, croqueuse d'hommes, alors que Kate avait une histoire très intéressante par ailleurs. Alors, ils ont tous des daddy issues, hein, avec le papa, Sawyer, Jack et elle. Des problèmes, je le dis pour les noms. Voilà, avec le papa. Avec le papa. C'est ça. Et alors... Effectivement, on voit qu'au niveau des personnages féminins, d'ailleurs, Evangeline Lilly, l'actrice de Kate, s'en est plainte de ce traitement. Et est-ce qu'on peut voir aussi, justement, depuis Lost, une évolution de l'écriture de ces personnages dans les grandes séries phares? Heureusement, parce que sinon, ça sera... Parce que quand on regarde la fin de Game of Thrones, on est encore quand même dans un schéma de une femme de pouvoir risque de devenir un petit peu hystérique, faire des choses complètement hors contexte. On est encore un petit peu dans cette manière d'écriture, d'écrire les personnages féminins. Bah parce que les scénaristes sont pour la majorité aux États-Unis des hommes, en fait. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les writers' rooms américaines. Donc on a des personnages forcément qui correspondent à stéréotypes que beaucoup de gens se font encore des femmes, avec des clichés gros comme des maisons. Alors dans Game of Thrones, c'est différent, puisque dans Game of Thrones, Daenerys, jusqu'au bout, on nous fait croire qu'en fait, elle peut être bonne, une bonne dirigeante. Et en fait, là, il y a un problème sur l'atavisme familial qui est que parce que papa, il est fou, ou tonton, il est fou, elle va être folle, quoi. Donc là, ce qui était décevant avec le traitement, c'était que on nous fait croire que c'est quelqu'un. Alors bon, toute proportion gardée, hein, c'est quand même une espèce de white savior qui va sauver toutes les personnes qui sont pas blanches en disant je vous sauve, je suis blanche, suivez-moi, battez-vous pour moi, et qui finalement veut réinstaurer une espèce de monarchie absolue. Là, il y avait un problème dans ce traitement-là, mais c'est vrai qu'on nous a fait croire que c'était un personnage féministe, une série féministe. Mais je crois que la question à pas se poser, on se la pose tout le temps malheureusement, c'est est-ce que c'est une série féministe? Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter The Good, The Bad and The Queen, et avec Damon Albarn, et ils interprètent 1917. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission, et à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Tiffany Battistel. We'll be right back. C'était 1917 de The Good, The Bad and The Queen avec Damon Albarn. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Allez, on va jouer. Aujourd'hui, on a Hugues au téléphone. Bonjour Hugues. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Jonzac, en Charente-Maritime. D'accord, bon, on est ravis de vous avoir avec nous. Donc, vous êtes un fan de Lost, j'imagine? Oui, bien sûr. J'ai regardé ça quand c'est paru la première fois à la télé. Oui, à TF1? Ouais, c'est ça. Un peu comme un de vos invités. Un soir, j'allumais par hasard, et puis je tombais sur le premier épisode, et puis jamais j'ai pu m'en décrocher. Bon, alors vous êtes l'homme qu'il nous faut. On va vous poser 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon? Entendu. Ok, c'est parti. J.J. Abrams, le créateur de Lost, avait proposé le rôle de Jack à un autre acteur. Lequel? Il y a 3 propositions. Réponse A, Michael Keaton. Réponse B, Denzel Washington. Ou réponse C, Andrew Lincoln. Michael Keaton, Denzel Washington ou Andrew Lincoln? Andrew Lincoln. Vous êtes sûr? Non. Vous avez raison de ne pas être sûr. C'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Bien oui. Alors qui? Thomas. Oui. Oui, Thomas Vachnicki, très bien. Je repose la question, c'est parti. J.J. Abrams, le créateur de Lost, avait proposé le rôle de Jack à un autre acteur. Lequel? Réponse A, Michael Keaton, ou réponse B, Denzel Washington? Michael Keaton? Eh bien, c'est une bonne réponse de Thomas Vachnicki. Bon, ça va, il a rattrapé le coup, hein, Hugues. Question suivante. Combien a coûté l'épisode pilote de la série? Alors là, il n'y a pas de choix multiple. Il a coûté très cher. Je crois qu'il a coûté 14 000. Un petit peu moins. Je veux pas vous aider, mais... Un compte rond, allez. Entre 9 et 11. 10 millions. Oh, mais vous êtes trop fort. Bravo, bravo. Hugues, c'est incroyable. Quel talent. Et maintenant, on va vous faire écouter un extrait en VO. Il faudra me dire de quel personnage il s'agit. Attention, c'est parti. Hey, don't you walk away from me. You don't know who you're dealing with. Don't ever tell me what I can't do, ever! Alors, qui est-ce? J'entends pas très bien, je pense que ça doit être John. Eh ben oui, c'est bravo. John Locke. Bon, bravo. Allez, regardez, vous m'entendez peut-être pas, mais voilà, on applaudit. Bravo Hugues. Très bien, merci. Voilà, vous avez gagné le livre des philosophes et des héros de Thibaut de Saint-Maurice, paru aux éditions Ferd. Voilà, donc on va vous l'envoyer dès aujourd'hui. Bravo à vous. Merci beaucoup pour vos émissions. C'est un plaisir de vous entendre tout l'été. Mais c'est un plaisir de pouvoir parler avec vous sur ce créneau. À bientôt, Hugues. Au revoir. Salut. Alors, dernière question très très rapide, parce qu'on est pressé par le temps. Est-ce qu'il y aurait une série dans la droite lignée de Lost? Qu'est-ce qu'il faut regarder si on a aimé Lost? The Leftovers. Leftovers? Ah ouais, moi, par Nora Boisy. Ouais, The Leftovers, pour moi, c'est vraiment, alors c'est Damon Lindelof, hein, adapté d'une série de romans, mais de Tom Perrotta. Et pour moi, c'est pareil, il y a des questionnements philosophiques, toutes les portes ne sont pas ouvertes, c'est parfait. Eh bien, parfait. Eh bien, je tiens à remercier tous mes invités, Nora Boisoni, Cyrus North, Thomas Vachnicki. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Comme merci toujours, beaucoup. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Lost, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag Blockbuster FI. On se retrouve lundi pour parler du mec en Marcel, le plus badass d'Hollywood, John McClane dans Piège de Cristal. We have to go back, Kate. We have to go back!